Un peu sombre, un peu noir, un peu d'ombre, un peu d'espoir. Un peu heureux, un peu perdu, un peu envieux, un peu tordu. Un peu fou, un peu aimant, un peu mou, un peu lent. Un peu doux, un peu violent, un peu loup. Un peu chien, un peu tout, un peu rien, un peu flou, un petit, un peu beaucoup, en manque de vie, un peu beaucoup, plein d'envie, un peu beaucoup, plein d'envie. Un tour du monde pour que les mots changent en quelques secondes et côtoyer les anges sans la fronde et sans les louanges, parce que le monde gronde d'une manière étrange. Quand les nuages remplacent le ciel bleu d'un grand mirage pour voiler les abus vicieux de corruption, de haine et de mensonges, où le mot détruire les hante jusqu'à dans leur sang. Un tour du monde pour être heureux, rien qu'une seconde au fond de ses yeux, y voir la vie, y voir la foi, y voir un monde si beau à la croisée de son regard, y voir un oiseau en train de chanter l'espoir, y voir le tout, y voir un peu tout, retirer la bande, voir que nous ne sommes pas fous, y voir le monde sans y voir un tour du monde pour apprendre à aimer. Une seconde pour l'éternité, oublier la peur et connaître le bonheur, vivre au présent quand le futur se meurt, ne pas s'en soucier, vivre comme un enfant, ne plus mépriser, ne plus voir comme un grand, changer de regard et oublier le temps, ne pas oublier que notre vie, le monde en est garant. Un tour du monde pour apprendre à vivre, vivre sans attendre et tendre vers la vie, vivre et savoir entendre les enfants qui crient, leur donner la main pour entendre leurs éclats de rire, pour que demain il n'y ait plus d'éclats de tir, pour que la terre ne soit pas un enfer, pour que l'humain ne regarde plus en arrière, pour éteindre les guerres et ne plus jamais se taire. Un peu sombre, un peu noir, un peu d'ombre, un peu d'espoir, un peu heureux, un peu perdu, un peu envieux, un peu tordu, un peu fou, un peu aimant, un peu mou, un peu lent, un peu doux, un peu violent, un peu loup, un peu chien. Du monde pour ouvrir les yeux, découvrir la vie, se voir heureux, ne plus se plaindre, penser au mieux, pour pouvoir peindre, penser à Dieu, penser au mystère et faire des envieux, trouver sa route, son chemin fabuleux, que la vie nous inspire et qui aspire à chacun, pour que tout le monde puisse dire que c'est possible de vivre bien. Un tour du monde pour que les mots changent en quelques secondes et côtoyer les